mon petit cœur châle. Tellement pieux. Oh madame, au jambon céleste, pour vous je ferais même l'inceste et sodomiserais tout un orphelinat. Quoi ? Ceci était hors la loi ? Je passerais d'un énorme étron sur toi. Mon cœur si gros et déborde de volupté. Venez boire du thé. J'ai le genre humain et je vous invite tous demain. Car ce thé contient de la cyanure et des pots de caca. Je danse à mes amis.